Et bonsoir à tout le monde, bienvenue dans la boîte à gants, la sixième émission de ce format. Et aujourd'hui, je suis tout seul parce que figurez-vous que j'ai attrapé le Covid. Et donc, j'avais pas envie de contaminer toute l'équipe. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de faire quelque chose tout seul. Et puisque je suis sous Covid, je me suis dit qu'on allait faire une spéciale maladie. Et qu'est-ce qu'on écoute quand on est malade? Alors, je sais pas vous, moi j'ai tendance quand je suis malade ou pas bien, quelque chose comme ça, à écouter des chansons en boucle, à m'enfermer dans une petite bulle de confort et à choisir 2, 3, 4 morceaux et à les écouter assez en boucle tout en me mettant sous un plaid bien chaud. Donc j'ai sélectionné quelques chansons, j'ai demandé aussi aux autres si ils voulaient participer et Gwen, Vicente et Oshka m'ont donné chacun une chanson à vous faire écouter. Donc aujourd'hui on en a 7, voilà, 7 petites chansons à écouter quand on est malade tranquillement sous la couette et voilà, en boucle, puis on va se faire ça tranquillement dans la boîte à gants. C'est parti. Vous connaissez sûrement Gauthier qui avait fait un tube il y a quelque chose comme 10, un peu plus de 10 ans je pense, avec Somebody That I Used To Know, qui passait à peu près partout tout le temps, qui avait, je trouve, à l'époque beaucoup une voix très similaire à, comment il s'appelle, Sting, le chanteur de Police. Je pensais même que c'était lui qui chantait à la toute base avant de connaître Gauthier. Au même moment, donc sur ce CD, je crois que c'est sur le même CD, il sortait un autre clip qui a moins marché mais que je trouve bien meilleur, qui s'appelle Hot Mess, que je vous invite à écouter, qui est un clip vraiment cool. Et du coup, à cette période-là, j'étais tombé malade, j'avais chopé quelque chose au ganglion, je ne sais pas trop, quelque chose comme ça, et j'étais complètement scotché à mon canapé, à être trop fatigué pour bouger et être trop malade pour réussir à dormir. Et j'écoutais cette chanson en boucle, voilà, elle est très très apaisante et très calme. Même s'il y a un truc de mixage étrange à un moment donné, je sais pas, je vous laisse avec Stanislav, vous allez voir si vous l'entendez ou pas. Et puis voilà, on va en parler après, mais pour l'instant, c'est ma première sélection, ma première recommandation pour aujourd'hui. C'est Gauthier, alors ça s'écrit Gauthye, et la chanson Hurts Mess. Voilà, j'ai peut-être le nez un peu pris cette fois-ci aussi. Allez, c'est parti. Make you see. Semestre de Gauthier. Voilà, vous dites Gauthier, d'où est-ce que ça vient? C'est bizarre comme nom pour l'anglais. Effectivement, il me semble que c'est un Belge à la base qui a déménagé très tôt vers ses 6-7 ans en Australie, évidemment, avec ses parents. D'où le fait qu'il a, il a ce nom-là et qu'il a un peu stylisé pour en faire son nom de scène, Gauthye. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Le clip est vraiment, vraiment bien foutu aussi. Espèce de... Alors, je sais pas si c'est vraiment que de la 3D ou il y a une espèce de d'animation en stop motion, mais je sais pas si c'est en vrai ou si c'est vraiment que de l'ordi. En tout cas, c'est très sympa à voir. Une seconde chanson, cette fois c'est une sélection de Gwen qui m'a proposé trois chansons, dont un Placebo, un deuxième groupe dont je me souviens pas, et celle-là, j'ai choisi celle-là, j'ai écouté que le tout début, ça avait l'air un peu cool. Alors je me suis dit que c'était pas mal à vous faire écouter et à découvrir avec vous. Ça s'appelle Bea Badoubi. Ça, c'est le nom de l'artiste. Alors, je vais vous le, comment dire, vous l'écrire. Beabadoubie. Voilà, c'est pas le plus simple non plus. La chanson s'appelle Tired, donc fatigué, je crois. Voilà, on écoute ça, c'est parti. C'est la section de Gwen. That always keeps Béa Badoubi avec la chanson Tired, Tired, si vous voulez le chercher sur YouTube. Voilà, on est un peu sur la même ambiance que ce que je vous ai proposé avant. Quelque chose d'assez calme, d'assez posé. Il y a même des petites, je sais pas, je crois qu'il y a des cloches, il y a un petit xylophone et tout. Voilà, c'est très, très tranquille tout ça. Voilà, vous pourrez remercier Gwen si vous voulez pour vous avoir fait découvrir cette chanson. C'est vrai que personnellement, j'ai quand même bien aimé. Troisième chanson, Kelobia. C'est un groupe que vous savez, j'aime beaucoup. J'ai déjà passé plusieurs fois des chansons de Kelobia dans cette émission. J'ai fait un Kelobia dessus aussi, si jamais vous voulez retourner écouter ça. Ils ont sorti des chansons plus récemment là. Mais nous on va écouter une vieille chanson, je crois qu'il date de 2012, quelque chose comme ça. Ça s'appelle Onsi Seahargia Estia Tagure Michiliak, qui est à la fois une chanson qui a une rythmique très tambourinante, très cyclique, très répétitive, qui nous amène avec elle, mais qui a plutôt que d'être quelque chose de follement joyeux, c'est quelque chose de presque j'allais dire maléfique, non pas maléfique, mais presque mélancolique. Enfin bon, on va arrêter d'en parler, on va écouter ça. Kelobia avec Onsi Seahargia Estia Eta Gure Michiliak. Ontzi Zeharkia Estia Eta Gure Micheliak Sekelobia. Et voilà, en écoutant, j'avais l'impression, vous savez, d'une espèce de combat dans la tempête, espèce de d'avancée inéluctable contre vents et marées, comme on dit. Et puis, de temps en temps, un petit refrain, pour le coup, assez joyeux, assez cool. Voilà, qui matche bien, je trouve, avec mon état, en tout cas quand je suis malade, que j'essaye de lutter souvent en vain et contre tout ce qui m'arrive dans la gueule. On va passer à la quatrième chanson. Cette fois-ci, c'est Bichente qui l'a choisi. En vérité, il n'a pas vraiment choisi. Ce qu'il nous a dit, c'est que il n'écoutait pas de musique quand il était malade, mais qu'il re-regardait encore et encore Le Dîner de Cons, le film que vous connaissez certainement tous. Du coup, on s'est dit qu'on allait mettre tout simplement la chanson. Quand on est con, on est con. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs-becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, con caduc ou con débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons, qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, con caduc ou con débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Quand on est con, vous avez certainement reconnu Georges Brassens, voilà, pour le film Le Dîner de Cons. C'était la petite petit truc du Bichente, voilà, il écoute la musique, il regarde ce film-là en boucle, et c'est vrai qu'il y a quelques films qui sont réconfortants, comme ça, qu'on aime bien regarder encore et encore. Personnellement, c'est Le Seigneur des Anneaux, la trilogie, que j'essaye de regarder une fois tous les deux ans, comme ça, pour regarder un petit peu de... un petit peu de magie encore, sinon je finis par tout être beaucoup trop par cœur dans le moindre détail, et ça casse un peu le truc. On va passer à la cinquième chanson, on arrive à la deuxième moitié. Moi j'ai décidé de prendre de choisir une chanson qui pour le coup me donne la patate, me donne c'est plutôt là, c'est vers la fin de la maladie que je commence à écouter ça. J'ai beaucoup écouté ça d'ailleurs cette fois-ci pendant que je suis sous Covid. C'est une chanson de Devin Townsend, ça s'appelle Secret Sciences. C'est un peu long, 7 minutes, mais il y a, voilà, comme d'habitude avec lui, un refrain ultra massif qui donne vraiment envie de tout casser, de tout bouger. Voilà, le quota, Devin Townsend. C'était Secret Sciences de David Townsend. Pour le coup, c'est le David Townsend Project, parce que David Townsend a toujours fait 12 000 trucs différents dans sa vie. Voilà, en vrai, j'aimerais bien vous dire par où commencer pour écouter David Townsend, mais moi-même, je ne le sais pas. Moi, j'écoute des chansons, voilà, à droite, à gauche, mais je crois qu'il en est à quelque chose comme 30 albums différents, 30 ans de carrière, c'est quelque chose de fou furieux. Voilà, en tout cas, il sait faire monter la sauce, lui, hein, 3 minutes 30 avant le premier refrain, 7 minutes 32 chansons, seulement deux fois le refrain d'ailleurs. Voilà, mais en même temps, il sait faire en sorte que ses couplets ne soient pas chiens, il y a quelque chose de très particulier dans ce qu'il joue, c'est ultra massif. Alors, mais c'est quand même très clair tout ce qui se passe dans le mixage, etc. Enfin, bon, voilà. David Townsend, pour ceux qui aiment ce genre de trucs, c'est quand même un nom absolument connaître, qui a pris ses marques dans le milieu du métal, qui est un petit peu le petit génie du métal en ce moment, enfin le petit génie, il a bien 50 ans maintenant, hein, il a commencé il y a longtemps. Mais voilà, c'est devenu quand même quelqu'un de très très renommé, et j'ai hâte que peut-être il passe dans le coin pour pouvoir le voir, puisque je l'avais loupé à la tabale il y a quelques années parce que je ne le connaissais pas encore. Voilà. Television, ça sera la sixième chanson de cette émission. Cette fois-ci, c'est Oshka qui a proposé cette chanson. Alors, il a proposé quelque chose qui donne la patate. Mais bon, j'ai déjà mis mon David Townsend pour ce sujet-là. C'était Supergrass avec une chanson que vous connaissez tous, mais j'ai oublié le nom là, tout de suite. Mais bon, si vous mettez Supergrass sur YouTube, je pense que c'est une des premières chansons que vous allez avoir. Et une chanson pour rester mou. Alors bon, lui, rester mou pour Oshka, bon, ça va, finalement, c'est quand même pas quelque chose de très mou non plus. C'est donc Television avec une chanson qui s'appelle Marky Moon. Encore une fois, c'est une chanson très longue, pour le coup de 10 minutes, une espèce d'odyssée rock un peu psychédélique des années 70. Enfin, voilà. On va écouter ça tranquillement, et puis après on va écouter la toute dernière chanson de l'émission. We'll be right back. hesitating. Marky Moon avec Television, voilà une espèce d'épopée des années 70, rock, psychédélique, tout ça. J'espère que vous avez apprécié. C'est vrai que quand on est malade, c'est le genre de truc que moi j'aime bien écouter. Ça nous emmène quelque part sans avoir à ouvrir les yeux tout simplement pour regarder une série, un film, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que parfois, juste se reposer en écoutant des choses comme ça, ça peut être cool et ça laisse notre imagination partir et nous faire oublier qu'on est malade. On va bientôt clôturer cette émission avec une dernière chanson. C'est la chanson que j'ai écoutée pour le coup en boucle ces derniers jours, c'est une dernière semaine presque. C'est sorti il y a 2 semaines, au moment où vous écoutez cette émission. L'album est sorti à peine vendredi dernier. J'avoue que j'ai toujours pas écouté l'album. J'attends dans de bonnes conditions, avec des bonnes écoutes, etc. Pour pouvoir me le faire. C'est le tout premier album de Haïra, H-A-I-R-A. Nous, on va écouter la chanson Ikushtendu Sugoisean. Voilà, c'est Peyo Eramuspe qui est donc un musicien polyinstrumentiste, comme on dit. Il joue de beaucoup d'instruments dans pas mal de groupes. Dans quoi est-ce qu'il est? Il est dans Fétiche, non pas Fétiche, je confonds toujours Fétiche avec Fusible. Il me semble qu'il est dans Maïdou. Enfin, il a été dans pas mal de projets, etc. Et il a décidé là de faire son propre projet à lui, tout seul comme un grand. Ça s'appelle Aïda. C'est 5 chansons, il me semble, qui sont des, on va dire des reprises de chansons traditionnelles basques, mais qui sont pour le coup complètement réarrangées à sa sauce. Voilà, je suis même plus sûr qu'on puisse dire que la base est toujours là. Les paroles ont été gardées, en tout cas sur cette chanson. Je vous le rappelle, j'ai pas écouté les autres. Les paroles sont toujours là et c'est tout le reste qui a été réarrangé. Ça nous donne une espèce de rock progressif un peu psychédélique encore une fois, mais très moderne et avec pas mal de sons électroniques, de claviers, de synthétiseurs, etc. Voilà, moi je vais vous laisser sur ça. On va l'écouter, on va discuter quand même un petit peu après, mais voilà, c'est la chanson, c'est un petit coup de cœur du moment que j'écoute en boucle. C'est Ikushtendu Sugoisean de Haïra. Yeah. Ikusten duzu goizean Pajaira, c'était le premier single sorti il y a deux semaines, je crois. L'album, par contre, lui, est sorti il y a quelques jours et donc disponible. Si vous avez aimé cette chanson, n'hésitez pas à l'écouter. Moi, j'ai adoré, je l'ai écouté en boucle pendant tout mon Covid. Et j'avoue que j'ai hâte d'écouter l'album, mais je me fous des attentes, je suis un peu débile aussi. Je me fous des grosses attentes, j'ai peur d'être déçu du coup, et surtout j'attends toujours d'être dans de bonnes conditions, avec du bon son, de pas avoir mal à la tête, d'être en forme, etc. Ce qui, ben, pour le coup, n'est pas du tout le cas quand on est sous Covid comme je le suis. J'espère que cette émission vous a plu, que vous avez découvert quelques trucs. C'était voilà une petite émission hors sujet de la boîte à gants. On se retrouve donc nous dans deux semaines avec les autres normalement pour essayer des petits concepts. On a quelques idées un peu débiles, mais rien de très clair pour l'instant. On va essayer de trouver quelque chose d'un peu rigolo. Comme d'habitude, une semaine sur deux, c'est la pochette. Comme d'habitude, je ne sais pas du tout ce que ça sera la prochaine. Et le jeudi, le chronobio, voilà. Je ne sais pas non plus cette semaine ce que ça sera. Je vais voir ça demain, je crois. Et puis voilà, moi je vous dis à jeudi ou à la semaine prochaine ou à dans deux semaines, selon ce que vous avez envie d'écouter ou quand est-ce que vous l'écoutez. C'était la boîte à gants numéro 16. Moi, je vous dis au revoir. Je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un beau week-end ou une bonne soirée, une bonne journée, tout ce que vous voulez. À bientôt.